Chapitre 24e. Sir Rupert reçoit un ancien ami. Sir Rupert et Lady Lessell restèrent absents pendant plus de 6 mois. Ils visitèrent Florence, Rome et Naples. Ils virent Berlin et Dresde et ils revinrent à Paris après avoir parcouru les bords du Rhin. Ils quittèrent Paris au commencement de juin pour rentrer en Angleterre. Les marronniers étaient en fleurs quand Sir Rupert traversa la grille de Littlewood Park le soir de son retour avec sa femme. Le colonel Marmaduke et ses 4 filles attendaient dans le vestibule où Mrs. Walsingham s'était rendue pour recevoir les voyageurs. Le vieillard était impatient de presser son enfant chéri dans ses bras. Les 4 sœurs avaient hâte de voir comment Olivia soutiendrait sa nouvelle situation et si la femme du jeune baronnet avait trouvé le bonheur dans son brillant mariage. Les lettres de Lady Lessell avaient été brèves et peu satisfaisantes. Elle n'avait jamais aimé à écrire, mais depuis son mariage, elle semblait éviter toute confidence entre elle et sa famille. Sir Rupert descendit du phaéton qu'il avait conduit lui-même, et jetant les rênes à un de ses grooms, il se dirigea vers les écuries, faisant seulement un signe de reconnaissance à sa mère et aux autres personnes assemblées dans le vestibule. « Rupert, où allez-vous ? » s'écria Mrs. Walsingham pendant que le colonel s'avançait pour aider sa fille à descendre de voiture. « Aux écuries, pour fumer une pipe, » répondit le jeune homme. « Il y a assez longtemps que je suis enfermé dans un wagon de chemin de fer. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. » Le voyage sur le continent avait peu profité à Sir Rupert Lessell. S'il y a un vernis particulier qu'on peut acquérir par le contact des habitants plus policés des villes étrangères, Sir Rupert ne l'avait pas acquis. Peut-être ce poli étranger, quelle qu'en soit la nature, demande à être étendu sur une surface déjà unie et jusqu'à un certain point préparée. Et il se peut qu'il n'adhère pas au tissu plus grossier de certains bois rudes. S'il y a la moindre influence dans la contemplation des paysages sublimes, dans les chefs-d'œuvre inimitables de l'art, dans le son de la musique, dans la splendide couleur du ciel italien et les purs visages des charmantes paysannes, si, dis-je, il y a dans tout cela une influence bienfaisante qui adoucit et rend meilleur l'esprit le plus ordinaire, cette influence n'eut aucun effet sur le caractère triste et sournois de Sir Rupert Lessell. Il revint en Angleterre, s'il est possible, plus grossier et plus désagréable qu'il l'était lorsqu'il l'avait quitté. Ses vêtements, qui généralement, avant son mariage, étaient choisis pour lui par le major, étaient maintenant d'un goût exécrable. Il avait acheté un habit ici, un chapeau là-bas, un gilet dans une ville, une paire d'éperons sonnants, une cravate de couleur, une culotte brodée dans une autre. Quantité de bijoux anciens pendaient à son gilet et brillaient sur les devants de sa chemise. La rue de la Paix et le Palais Royal avaient été fouillés de fond en comble pour lui trouver des émeraudes et des rubis, des opales et des turquoises, des améthystes et des saphirs. Les gros doigts de ses mains épaisses étaient chargés d'anneaux. Sa chaîne de montre était absurde par les ornements inutiles qui y pendaient. « Je veux leur montrer que je pourrais leur acheter tout ce qu'ils ont de mieux, » disait-il quelquefois quand il s'imaginait ne pas être suffisamment admiré ou respecté par les habitants d'une des villes qu'il traversait. Il criait et jurait en parlant aux hôteliers dans sa langue saxonne. Puis il jurait encore plus fort parce qu'il ne pouvait pas le comprendre. Il criait et vociférait, déclarant qu'il se ferait comprendre ou qu'il saurait pourquoi. Il méprisait les vins allemands et cependant il en but tant pendant son voyage qu'il traversa l'Autriche, la Prusse et la Belgique dans un état continuel de demi-ivresse. Il bâillait devant les plus beaux tableaux et parlait tout haut dans les églises. Il montrait continuellement son mépris pour les tranquilles dévots agenouillés devant quelques vieilles et précieuses reliques, et il faisait résonner ses éperons d'or dans les sanctuaires révélés des temples qu'il visitait. Le courrier lui-même haussait les épaules et abandonnait son maître à son sort. « Pour madame, je ferai tout ce qu'il est possible, » disait-il même pour monsieur. Il terminait sa phrase par une série d'imprécations en remontant sur la voiture de voyage, laissant le baronnet discuter une note d'hôtel ou dire des sottises au garçon, selon le bon plaisir de ce gentleman. « Je m'en lave les mains, » disait-il, « il est trop anglais. » Nous jouissons en effet à l'étranger de cet avantage que toutes les fois qu'un individu par trop désagréable fait son apparition dans un pays quelconque, il passe immédiatement pour un parfait spécimen de notre type anglais, tandis qu'un anglais plus policé s'entend dire qu'évidemment, il a beaucoup voyagé et qu'il a profité de l'exemple de nos voisins. Et que faisait Olivia, qui n'était pas trop habituée à cacher ses sentiments? Comment endura-t-elle ces façons grossières de son compagnon de voyage? Souffrit-elle lorsque l'homme auquel elle avait juré amour et obéissance se rendait si insupportable que les plus polis et les mieux rétribués des hôteliers n'essayaient pas de dissimuler le dégoût occasionné par sa conduite? Rougit-elle de sa grossièreté ou essaya-t-elle de changer et d'adoucir son caractère? Non, elle demeura à côté de lui, avec un visage qui aurait pu passer pour un marbre, tant elle savait dissimuler ses émotions. Eût-il été un chien fatigant et insupportable à tous les gens chez lesquels elle allait, qu'elle n'eût pas pu être plus indifférente, car alors elle aurait pu se croire obligée d'excuser sa conduite. Quoi qu'il fît, elle ne laissait jamais voir ni surprise ni mécontentement. Si entier était son dédain, qu'il semblait qu'elle ne pût ni le voir ni l'entendre. S'il essayait de s'opposer à ses plus chers désirs, elle ne se plaignait pas, mais elle n'en faisait qu'à sa guise. Malgré toutes ses manières impératives avec les autres, il n'essayait jamais de la contredire. Elle le traînait après elle dans les galeries de tableaux, jusqu'à ce que ses yeux se fatiguassent et que ses genoux fléchissent sous lui. Car si la constitution d'Olivia était riche et superbe, la santé du baronnet était pauvre et son corps affaibli. Partout, Lady Lissel était admirée et choyée, et Sir Rupert éprouvait beaucoup de satisfaction à voir l'effet produit par sa femme. « Dépensez mon argent, disait-il, chère Olivia, jetez-le par la fenêtre, si cela vous plaît. Il y en a encore beaucoup chez mon banquier. » Faites voir à ces étrangers que la femme d'un riche baronnet anglais vaut 6 de leur duchesse, qui ont un revenu de 400 ou 500 livres et ne mangent que de la choucroute. Mais la tournée de fiançailles était terminée, et Lady Lissel était rentrée dans le splendide château où elle devait désormais régner seule. Claribel, qui avait été si longtemps maîtresse de Lisselwood Park, s'était arrangée pour quitter le château immédiatement après l'arrivée du jeune couple. Lady Lissel rencontra sa belle-mère dans le vestibule le lendemain de son retour. Mrs. Walsingham était revêtue de son costume de voyage et suivie de sa femme de chambre. « Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie ? » s'écria Olivia. « À qui sont ces mâles ? » ?»« Mrs. Walsingham, vous n'allez pas nous quitter. »« Je venais justement pour vous faire mes adieux, Lady Lissel, » dit froidement Claribel. « Je ne suis restée dans la maison de mon fils pendant votre lune de miel que comme une personne en visite. Je vais à Brighton, où j'ai loué un appartement. Sir Rupert m'a dit très clairement que nous devrions vivre désormais séparés, quoiqu'il eût pu se dispenser de faire allusion à un arrangement que je trouvais inévitable moi-même, bien avant qu'il en parlât. » L'impétueuse jeune femme, dont les regards annonçaient la plus grande surprise, saisit la main de Mrs. Walsingham et la conduisit dans la bibliothèque. « Maintenant, Mrs. Walsingham, dit-elle, en faisant asseoir cette dame sur un fauteuil près de la fenêtre en ogive, « dites-moi ce que tout cela signifie. Sir Rupert vous a insulté ?»« Oh, quant à cela, » dit-elle comme pour répondre à un geste de Claribel, « je sais qu'il en est parfaitement capable et qu'il peut insulter sa mère. » Mrs. Walsingham appuya sa tête sur sa main pour cacher son visage. « Ma chère Mrs. Walsingham, » dit Lady Lissel, « je sais que de toutes les personnes vivantes, c'est moi qui ai le moins le droit de vous parler ainsi. Quel que puisse être votre fils aîné, ce n'est pas à moi de dire un seul mot contre lui. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Je ne me gêne pas beaucoup pour lui parler, mais je ne parlerai jamais mal de lui aux autres. Mais ma chère Mrs. Walsingham, laissez-moi vous supplier de ne pas quitter cette maison parce que j'y suis entrée. Je ne suis pas une personne bien aimable et bien agréable, je le sais, mais je n'aurai jamais le cœur de vous offenser. Si vous pouvez avoir pitié d'une femme qui n'a jamais connu l'affection d'une mère, ayez pitié de moi. Mes sœurs n'ont jamais eu une parcelle d'affection pour moi. Elles m'envient, ma brillante fortune. Que Dieu me vienne en aide. Ayez pitié de moi, vous, et aimez-moi. Aimez-moi, si vous le pouvez. Laissez-moi vous appeler ma mère, pour l'amour de cette mère que je n'ai jamais connue. » Et la belle et séduisante Lady Lissel laissa tomber sa tête sur l'épaule de Claribel et fondit en larmes. Cette courte entrevue eut un effet durable sur les rapports entre les deux femmes. Mrs. Walsingham resta à Lisselwood, refusant d'habiter sous le toit du baronnet, mais allant seulement habiter au village où elle racheta la maison et les terrains qui, des années auparavant, avaient appartenu à sa vieille tante, Miss Merton, et que Claribel avait quitté lors de son mariage avec Sir Reginald Lissel. Lady Lissel convainquit bientôt toutes les familles des environs qu'elle n'allait pas épargner la bourse de son mari. Elle remplit le château d'invités, au point qu'elle n'aurait pas trouvé une mansarde ou un grenier inoccupé par les valets ou les femmes de chambre qui se plaignaient du manque de place. Elle s'entoura de bruit et de gaieté. Elle donna des fêtes champêtres dans le parc et illumina la grande avenue de milliers de lampions de couleur pendant les soirées d'été. Elle dirigea elle-même la construction de nouvelles écuries avec de merveilleux toits en chaume et les remplit de chevaux de chasse tout prêts pour la saison prochaine. On fit construire un manège derrière la maison où elle montait à cheval pendant la plus grande partie de la matinée, sautant des barrières simulées et exécutant toutes sortes de manœuvres équestres. Un jeu de pommes, qui depuis longtemps ne servait plus, fut par ses ordres mis en état et l'on vit pendant la moitié du jour voler les balles parmi un groupe de joueurs, en tête desquels Milady se trouvait assez souvent. Dans tout ceci, Sir Rupert n'était absolument pour rien. Il souscrivait des bons sous la dictée de sa femme, car un seul éclat de ses grands yeux noirs étouffait les objections qu'il aurait pu vouloir faire. Tout cet impatient et fol amour qui lui avait fait si activement pousser le mariage s'était envolé pour toujours. Elle était à lui. Pour sa nature vile et grossière, tout était dit dans ces seuls mots. Quoiqu'il se laissât gouverner par elle, elle n'était après tout qu'une partie de sa richesse, dont il pouvait disposer aussi bien que de ses chevaux et de ses chiens. S'il la craignait, il craignait aussi ces derniers, mais ils lui appartenaient, ils avaient été achetés de son propre argent, c'était à lui, voilà ce qu'il aimait le mieux, et il en était de même pour elle. L'été se passa en perpétuel amusement auquel le maître de la maison avait si peu de part qu'on aurait pu le prendre au point de ses garçons d'écurie. Le major, sa femme et son valet, qui s'étaient absentés pendant l'été, revinrent assez tard en automne reprendre leur vie à Littlewood Park. L'officier indien savait très bien ce qu'il fallait faire pour se rendre agréable à la maîtresse de la maison. Et Olivia, qui jamais ne consultait son mari sur quoi que ce fût, était souvent bien aise de profiter des conseils du major Barney. Ainsi, ils passèrent l'automne et le commencement de l'hiver, et la première année de mariage de Lady Lisle touchait à sa fin quand survint un événement qui amena la première dispute entre la femme et le mari. Olivia rentrait un soir de novembre d'une longue promenade dans la plaine quand elle aperçut une femme assise sur un petit banc placé en dedans des grilles et immédiatement en face de la loge qu'avait autrefois occupée Gilbert Arnold et sa femme. Cette femme était mince et pâle, elle était pauvrement vêtue et un petit paquet était placé sur le banc à côté d'elle. Elle leva la tête au moment où le gardien ouvrit la grille pour laisser passer Olivia, et quelque chose de suppliant dans son visage, qui ressemblait à une prière, toucha le cœur de la dame du lieu, car elle arrêta son cheval pour parler à cette femme. « Qu'est-ce que c'est, ma bonne femme ?» La femme du baronnet faisait beaucoup de bien, et elle distribuait ses aumônes avec tact et discernement. Le mensonge et l'imposture étaient déconcertés par les questions droites et fermes d'Olivia Lessel. Elle regarda l'étrange femme qui s'était levée pour lui répondre et elle ne vit rien dans ce visage fatigué et soucieux qui put éveiller ses soupçons. « Que voulez-vous de moi, ma bonne femme ? » répéta-t-elle. Elle voulait toujours qu'on lui demandât franchement et sans détour ce que l'on désirait d'elle. « Madame, Milady, » fit la femme tout hésitante en voyant les grands et beaux yeux noirs fixés sur elle. « Car vous êtes Lady Lessel, n'est-ce pas, Milady ? Vous êtes sa femme ?» La femme de Sir Rupert Lessel, oui. Mais pourquoi cette question ? Demanda Olivia un peu sèchement. Oh, Milady, alors comme on dit que vous êtes bonne et que vous avez pitié des gens, et la bonté de me laisser voir mon... Pardon, Sir Rupert, voulais-je dire, c'est tout ce que je demande. Mais on vous a dit une fois pour toutes que Sir Rupert ne voulait pas vous voir, dit le gardien qui avait entendu le dialogue. On le lui a déjà dit, Milady. Elle attend là depuis 2 heures en demandant si elle peut voir Sir Rupert. Sur quoi je lui ai répondu « Non, c'est impossible ». Puis, si elle pouvait attendre jusqu'à ce que Sir Rupert sortît afin de le voir. Sur quoi je lui ai répondu qu'il n'était pas probable que Sir Rupert sortirait, car le froid n'est pas bon pour sa poitrine. Puis enfin, elle a demandé avec instance si elle pouvait lui envoyer un bout de papier, un morceau de vieille enveloppe avec son nom écrit au crayon. Et elle a attendu et crié et marché de côté et d'autre, si bien que j'ai fini par céder à son caprice et j'ai envoyé mon fils au château avec le bout de papier sur lequel elle avait écrit son nom. Et qu'est-il arrivé ? Mon garçon est venu me raconter comment le valet de chambre avait conseillé de ne plus avoir l'imprudence de se charger de pareils messages. Car ce reporter, en jetant les yeux sur le papier, s'était mis à jurer, à trembler, et avait dit que s'il voyait encore ce nom-là, si on l'ennuyait encore avec toutes ses sottises, ceux qui l'auraient ennuyé feraient connaissance avec la prison de Lewes. A-t-il dit cela ? S'écria la femme en se laissant retomber sur son banc et en s'agitant sous l'influence d'une douleur intense. Il a dit ces mots cruels et affreux. Oh ! Lady Lisle sauta bas de son cheval et jeta les rênes au groom. Conduisez-le à l'écurie, Lewis. Je vais à la maison avec cette femme. Il sera par trop fort que Sir Rupert fut tourmenté par tous les vagabonds du pays, dit le garde, et avec sa santé délicate encore, le pauvre gentilhomme. Vous, taisez-vous, s'écria Olivia. Maintenant, ma bonne femme, venez avec moi à la maison, et en marchant, vous pourrez me dire tout ce que cela signifie. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous à Sir Rupert Lestle? Vous avez pu entendre mon nom, milady, répondit-elle. J'ai connu Sir Rupert enfant, et j'ai fait de mon mieux. Dieu le sait, et selon mes pauvres moyens, pour le bien élever et le traiter avec affection. Mais il y a des gens qui sont venus se mettre entre lui et moi, et lui les a écoutés, et est parti sans se soucier de moi, et sans me prendre avec lui comme il aurait dû le faire. En disant ces mots, elle fondit en larmes. Malgré tout ce que j'ai pu faire, je n'ai pu le préserver de tout mal, mais jamais, jamais, je n'aurais cru qu'il me traiterait ainsi. Mais, grand Dieu, s'écria Lady Lestle, dont le peu de patience était mis à bout par les larmes et les lamentations de cette femme, « pour l'amour de Dieu, dites-moi qui vous êtes, et comment il se fait que vous ayez eu des démêlés avec mon mari ?»« Je suis la femme de Gilbert Arnold, milady, de ce garde dont vous avez peut-être entendu parler. »« J'ai entendu toute cette histoire, » dit Olivia froidement, « et c'est une triste histoire, un honteux et odieux complot, et je pense que votre mari était bien heureux d'échapper comme il l'a fait, sans être puni de son crime. »« Dieu sait que je ne fus pour rien dans ce complot, milady, » dit la femme. Il sait combien j'étais désolé qu'on l'ait jamais conçu. C'est un complot odieux qui ne peut qu'apporter la misère à ceux qui y ont trempé. Malheur sur le méchant qui l'a conçu, et malheur sur moi qui en suis aussi innocente que l'enfant dans le sein de sa mère. « Est-ce vrai ?» demanda Lady Lestle. « Aussi vrai que la lumière est au ciel, milady. Si je n'étais pas innocente, et si votre mari ne savait pas que je suis innocente, viendrais-je ici lui demander son appui ?» « Je crois que je puis ajouter foi à vos paroles, » répondit Olivia. « Mais dites-moi ce qui vous amène ici. J'ai cru comprendre que votre mari et vous étiez partis pour l'Amérique, il y a plus d'un an. »« Oui, milady, et il y est encore maintenant, je crois. Jamais, dans des jours meilleurs, il ne m'a bien traité, et une fois à New York, il m'a maltraité plus cruellement qu'il ne l'avait fait encore. Il n'y avait pas longtemps que nous étions arrivés quand il me quitta. » Sous prétexte d'aller loin de là chercher un coin de terre pour y bâtir une maison. Et il prit la plus grande partie de l'argent et presque tout ce que nous possédions, ne me laissant que quelques livres pour vivre, disait-il, jusqu'à son retour. Il n'est pas revenu, milady, et depuis ce jour, je n'ai jamais entendu parler de lui. Quelques bonnes gens de New York ayant appris mon histoire me trouvèrent une place de domestique, et je me privai de tout pour économiser la somme qui m'était nécessaire pour revenir en Angleterre. Car je pensais que si je pouvais revenir ici, ce report me donnerait assez d'argent pour que je puisse finir mes jours en paix. Je ne suis pas vieille, ajouta-t-elle. Miss Claribel Merton, je veux dire, Mrs. Walsingham et moi, nous étions du même âge. Mais je suis comme si j'étais vieille, j'ai tant souffert, et pensais que c'est lui qui me traite ainsi, dit-elle comme se parlant à elle-même. Elles étaient arrivées devant la maison. Lady Lestle gravit vivement les marches du perron. Venez par ici avec moi, dit-elle à Rachel Arnold. Et traversant le vestibule, elle entra dans un couloir qui conduisait à la salle de billard suivie de la femme du braconnier. Sir Rupert Lestle se trouvait à l'autre extrémité de la salle. Il était penché sur le billard occupé à retirer une bille des blouses, et il ne remarqua pas l'entrée de sa femme. La salle était pleine de gentlemen, parmi lesquels se trouvait le major, qui avec son bon naturel ordinaire remplissait les fonctions de marqueur. « Donc je vous marque 20 points de plus, mon cher Rupert, » dit-il. « Quel joueur vous faites maintenant ?» « Je n'ai pas besoin de vos plaisanteries, » répondit le baronnet, la tête toujours penchée sur la table du billard. « Si je joue mal, il y en a d'autres qui jouent mal aussi. Je ne vois pas que vous soyez si flambant. »« Sir Rupert Lestle !» s'écria Olivia, dont la voix claire résonna dans la salle. Le baronnet leva la tête et regarda Lady Lestle. Mais presque au même instant, il aperçut le visage pâle et maladif de la femme qui se tenait un peu en arrière d'Olivia, et il devint livide comme un cadavre. « Pourquoi amenez-vous des mendiants dans ma maison, Lady Lestle ? » s'écria-t-il avec un blasphème. « Un homme de ma condition doit-il être tourmenté par tous les vagabonds auxquels il plaît de demander de l'argent ? Comment osez-vous amener des mendiants dans cette salle, Olivia ? Comment l'osez-vous ? J'ai supporté assez comme cela vos caprices et assez dépensé d'argent pour vos futilités, mais je ne supporterai pas de pareilles choses. » De pâle qu'il était, son visage devint écarlate et la sueur perla en larges gouttes sur son front. « N'aurai-je donc jamais ma tranquillité ? » repris-je. « Ne pourrai-je donc jamais être seul ? Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. De l'argent par-ci, de l'argent par-là. À quoi me sert la fortune si je n'en dois pas garder un penny ? Que me fait cette belle maison si je ne puis dormir en paix? Que me veut-on maintenant ?» Rachel Arnold se précipita près de lui et tomba à genoux. Elle saisit une de ses mains et la baisa passionnément. « Seulement un peu de pitié, mon bien-aimé, » dit-elle en voyant que le jeune homme essayait de lui ôter sa main. « Seulement un peu de pitié, mon bien-aimé, en souvenir de l'amour que j'ai eu pour vous quand vous étiez enfant. Ayez pitié de moi, ayez pitié de votre... » La pauvre créature, toujours agenouillée sur le sol et se cramponnant à sa main, leva la tête d'une manière suppliante. Dans sa rage, le baronnet frappa de sa main restée libre la malheureuse femme en plein visage avec une violence telle que le sang jaillit d'une ouverture faite à la lèvre supérieure. Rachel Arnold tomba sur le sol en poussant un cri étouffé. Lady Lissel, jetant un regard de sombre mépris sur le baronnet, se précipita au secours de la malheureuse créature. Les témoins de cette scène s'entre-regardaient, et un murmure d'indignation s'éleva dans toute la salle. Le major avait quitté son office de marqueur et s'était approché du baronnet. Au moment où la femme roula à terre, il saisit Sir Rupert à la gorge et le poussa furieusement contre la muraille. « Misérable que vous êtes ! » s'écria-t-il. « Misérable lâche ! Méprisable coquin ! Qui n'a pas la moindre parcelle d'humanité ! Je vous jure que si j'eusse su ce que vous étiez réellement, vous auriez pu pourrir dans le grenier où je vous ai trouvé avant que j'eusse souillé mes mains et soulevé un de mes doigts pour vous venir en aide. Je ne crois pas qu'il y ait dans Newgate un misérable capable de faire ce que vous venez de faire. Chien que vous êtes, je vous hais et je vous méprise, et je me méprise moi-même de m'être lié avec vous. » Personne n'avait encore vu le major Varney en colère. Grand et vigoureux, il dépassait de toute la tête le baronnet collé contre le mur et qui semblait vouloir s'y enfoncer afin de se cacher aux yeux indignés qui se fixaient sur lui. « Je ne voulais pas lui faire de mal !» s'écria le baronnet livide et tremblant. « Pourquoi m'a-t-elle poussé ainsi à bout? Je n'ai pas besoin que des vagabonds viennent chez moi me baiser les mains et me rendre ridicule devant mes invités. Pourquoi diable Olivia l'a-t-elle amenée ici? Elle doit l'avoir fait exprès pour me tourmenter. S'il lui faut un billet de 5 livres, je lui donnerai, mais qu'elle s'en aille. On n'a pas besoin d'elle ici, elle n'y restera pas, maudit soit son pâle visage. Elle restera ici tout le temps qu'il lui plaira, » dit le major. « Elle restera ici pour prouver que vous êtes un misérable et que vous avez l'âme la plus noire. Elle portera la marque faite en ce jour jusqu'à sa mort. Je ne suis pas trop sensible, vous le savez, » ajouta le major, « mais je puis me souvenir de ma mère, car je l'aimais avant que le monde m'eût appris à ne m'occuper que de moi, et je ne verrai jamais frapper une femme. Et moins encore, verrai-je celle-ci frappée par vous. » « Mais vous ne savez pas tout, major Varney, » dit Lady Lissel qui avait, avec l'aide des personnes présentes, porté Rachel Arnold sur un fauteuil. « Vous ne savez peut-être pas que cette femme est entièrement innocente du complot ourdi contre la fortune de Sir Rupert Lissel, et qu'elle était son amie. Elle aimait beaucoup, à une époque où il n'avait que très peu d'amis. Nous venons de voir comment il a répondu à son dévouement. « Taisez-vous !» s'écria Sir Rupert avec fureur. Pendant ce temps, le major l'avait laissé libre et l'essayait de refaire le nœud de sa cravate, regardant autour de lui d'un air défiant. « Quant à vous, Olivia Lissel, je vous prie de me laisser en repos et de ne pas vous mêler de cela, » dit-il. « Il vous appartient bien de parler de dévouement. Vous en savez si long là-dessus. Vous m'en avez tant montré. N'est-ce pas? Oui, votre dévouement pour ma fortune. C'est la seule sorte de dévouement que j'ai eu de vous. » Elle se releva de toute sa hauteur et passa devant lui sans prononcer un mot. Mais à la porte, elle lui dit en présence de tout le monde. « Jusqu'à ma mort, je me souviendrai de votre conduite d'aujourd'hui, Sir Rupert Lissel, de même que je ne me pardonnerai jamais d'avoir été une misérable assez lâche pour vous épouser. » Elle partit avant qu'il pût répondre. Comme la porte se refermait sur elle, et comme les visiteurs s'éloignaient un à un, il se laissa tomber sur un fauteuil et commença à pleurer comme un enfant. « Comme elle est dure, » disait-il en soupirant, « comme je suis malheureux. Je voudrais être mort. Je voudrais être un chien. Je voudrais être n'importe où, mais hors d'ici. Ah, si seulement j'étais loin d'ici. » Olivia envoya la gouvernante prendre soin de Rachel Arnold. La malheureuse femme fut transportée dans une chambre confortable, où une des femmes de service l'aida à se déshabiller, et resta à ses côtés jusqu'à l'arrivée du docteur. Le dîner fut bien triste ce jour-là. Olivia se rendit chez son père et ne revint pas le soir. Le baronnet dîna dans sa chambre et le major le remplaça. Mais quoiqu'il fît de son mieux pour causer et rire, afin de dissiper l'impression de la scène qui avait eu lieu dans la salle de billard, il n'y put réussir. Un sombre nuage était suspendu sur l'esprit de toutes les personnes présentes. Ce n'est pas une chose agréable que de manger le meilleur des dîners aux dépens d'un autre qu'on méprise, et il n'y avait personne à la table de Sir Rupert qui n'eût préféré partager une tranche de lard avec un honnête paysan du Sussex que de partager le repas du maître de Lesselwood. « Je vois avec terreur le scandale d'aujourd'hui, monsieur, » disait un vieillard à son voisin de table, « car c'est pour moi la preuve de la dégradation et de l'abaissement de nos grandes familles de province. Les Lissel, monsieur, passaient pour les plus nobles gentilshommes de Sussex depuis 600 ans, et je puis vous assurer que la conduite de ce jeune homme aujourd'hui est un coup bien rude porté à mes sentiments. »